Chapitre 13e. Une brise rafraîchissante dans un endroit étouffant. Dès que Fanny et sa mère furent parties, Marguerite alla prendre son châle et son chapeau et courut chez Higgins pour savoir comment allait Bessie. Tout en parcourant les rues étroites et populeuses qu'il lui fallait traverser, elle sentait combien ces rues fangeuses avaient pris d'intérêt à ses yeux, par cela seul qu'elle s'intéressait à un de leurs habitants. Mary Higgins, la bruyante fille de la veille, avait fait quelques efforts pour nettoyer la chambre et pour y mettre un peu d'ordre à l'occasion de la visite de Miss Hale. Le milieu de la pièce avait été lavé, mais sous la table, sous les chaises et le long des murs, les carreaux avaient gardé leur ancienne couche de poussière. Malgré la chaleur, un grand feu brûlait dans la grille et donnait à cette chambre la température d'un four. Marguerite n'imagina pas que cette prodigalité de charbon fût à son intention, et supposa que l'état de la malade réclamait cette atmosphère étouffante. Bessie était couchée sur une espèce de petit sofa placé auprès de la fenêtre et paraissait beaucoup plus abattue que la veille, fatiguée qu'elle était de s'être levée à chaque instant pour voir si Marguerite n'arrivait pas. Maintenant que la jeune Miss se trouvait à côté d'elle, Bessie la regardait en silence et touchait ses vêtements, dont la finesse lui inspirait une admiration enfantine. Je ne savais pas pourquoi dans la Bible on parle de belles étoffes, de riches habits, mais c'est si beau d'être habillée comme vous. Ce n'est pas comme la toilette des autres. J'en ai vu qui avaient des vêtements encore plus beaux, mais les couleurs me faisaient mal aux yeux. Celle de vos habits me repose au contraire. Où avez-vous acheté cette jolie robe ? À Londres, dit Marguerite, que cette naïveté amusait. Vous avez été à Londres ? J'y ai passé plusieurs années. Mais la maison de mon père était à la campagne, au milieu d'une forêt. Racontez-moi quelque chose de votre pays. J'aime tant qu'on parle des arbres et de tout ce qu'on voit à la campagne. Elle s'étendit sur le dos, ferma les yeux, croisa les bras sur sa poitrine et resta complètement immobile, comme pour mieux recevoir toutes les idées que lui suggéraient les paroles de la jeune Miss. Marguerite n'avait jamais parlé d'Alstone depuis qu'elle en était partie. Elle le revoyait dans ses rêves sous des couleurs plus vives que la réalité. Mais on eût dit qu'elle évitait de nommer ces lieux, où elle errait en songe dès qu'elle venait à s'endormir. Toutefois, son cœur s'ouvrit à la pauvre enfant qui se préparait à l'entendre. « Oh, Bessie, lui dit-elle, j'aimais tant cette maison et ce pays où je suis née. Je voudrais que vous puissiez le voir. Jamais je ne pourrais vous dire la moitié de sa beauté. Il y a là-bas, de tous côtés, de grands arbres dont le feuillage vous donne de l'ombre, même au milieu du jour. Tout y est calme et pourtant, bien que chaque feuille soit immobile, on sent autour de soi le mouvement et la vie. Et l'on entend je ne sais quel bruit mystérieux qui ne trouble pas le silence. L'herbe y est aussi fine, aussi douce que le velours et d'un beau vert foncé que lui donne, en certains endroits, un petit ruisseau caché entre les branches et dont le murmure se fait entendre avant qu'on l'aperçoive. Ailleurs sont de grandes fougères qui couvrent des plaines inégales, les unes vertes dans l'ombre, les autres étincelantes d'un rayon d'or qui les parcourt comme les vagues de la mer. « Je n'ai jamais vu la mer, » murmura la pauvre Bessie, « mais continuez. » Puis, ça et là, sur les collines, de grands communaux qui apparaissent au-dessus des plus grands arbres. J'en suis bien aise. J'étouffais sous tant d'ombre. Quand j'allais me promener dans les champs, il me fallait toujours monter sur les hauteurs pour voir bien loin et pour respirer à pleine poitrine. J'étouffe dans Milton. Et je crois bien que ce bruit dont vous parlez et qu'on entend sous les arbres toujours, toujours, m'étourdirait comme celui des machines. C'est ce qui me donne si mal à la tête quand je suis à l'atelier. Mais dans ces communaux, il n'y a pas de bruit, n'est-ce pas ? Non, de temps en temps seulement une alouette qui chante en s'élevant dans les airs. Quelquefois un fermier qui parle d'une voix forte à l'un de ses domestiques. Mais si loin, ajouta Marguerite, que je n'en éprouvais qu'une impression agréable. Je me rappelais qu'un rude travail s'accomplissait en quelque endroit éloigné, tandis que je me reposais, ne faisais rien, au milieu des bruyères. « Quand je travaillais à la filature, dit Bessie, j'ai pensé bien souvent que, si je pouvais être un jour à ne rien faire, à me reposer dans un endroit bien tranquille, comme celui dont vous parlez, cela me guérirait peut-être. » mais depuis ce temps-là, j'ai été bien des jours sans rien faire et je suis tout aussi lasse que dans le temps où je travaillais. Mais si lasse, voyez-vous, qu'il y a des fois où je me dis que je ne pourrai pas jouir du ciel si je ne me repose pas d'abord, et j'ai peur d'y aller avant d'avoir assez dormi au cimetière pour que ça m'ait reposé. « Soyez tranquille, Bessie, » dit Marguerite en prenant la main de la jeune fille. « Dieu vous donnera un repos meilleur et plus complet que ne pourrait vous le procurer l'oisiveté sur la terre ou le sommeil dans la tombe. Je voudrais que mon père ne parlât pas comme il fait. Il a de bonnes intentions, je vous l'ai dit hier et je vous le répète aujourd'hui. Mais voyez-vous, je ne crois rien de ce qu'il dit tant qu'il fait jour. Mais la nuit, quand il fait noir, que j'ai la fièvre et que je suis à moitié endormi, à moitié éveillé, toutes ces paroles me reviennent. Oh, qu'elles sont mauvaises, je me dis alors. Si tout allait finir avec la vie de ce monde, si je n'étais venu sur terre que pour user mon pauvre corps au travail, et pourtant souffrir dans cette vilaine filature, avec le bruit des machines qui me déchirent toujours les oreilles, au point que je crie pour demander qu'elles s'arrêtent, et qui tournent toujours, avec le fleuve qui remplit ma poitrine, qui fait avoir soif à mort d'une bouffée de cet air pur dont vous parliez tout à l'heure, et ma mère qui est partie. Je ne pourrais pas la revoir, lui dire que je l'aime encore, et lui conter toutes mes peines. Oh, si cette vie était la fin de tout, et qu'il n'y eût pas un Dieu pour essuyer tous les pleurs. Tenez, la belle dame, s'écria-t-elle en se dressant tout à coup et saisissant la main de Marguerite d'un air presque féroce. « Je deviendrai folle et je vous tuerai !» Elle retomba complètement épuisée par cet accès de violence. « Bessie, lui dit Marguerite en s'agenouillant auprès d'elle, nous avons un père qui est dans les cieux. »« Je le sais bien, je le sais bien !» répondit la pauvre enfant d'une voix plaintive et en tournant la tête d'un air inquiet et malheureux. « Je suis mauvaise, j'ai dit de méchantes paroles. » « Oh, n'ayez pas peur de moi, et revenez encore me voir. Je ne toucherai pas un cheveu de votre tête. » Puis, ouvrant les yeux et regardant Marguerite avec ardeur, « Je crois peut-être plus que vous, dit-elle, à ce qui doit arriver plus tard. J'ai lu, jusqu'à le savoir par cœur, le livre des Révélations. Et quand je suis éveillée, que j'y vois clair et que j'ai toute ma raison, je ne doute pas de la gloire qui m'attend dans l'autre vie. » Laissons de côté les visions qui vous arrivent quand vous avez la fièvre et parlez-moi de ce que vous faisiez avant d'être malade. Je me portais bien du temps que vivait ma mère et depuis qu'il n'y est plus, je n'ai jamais été forte. C'est tout de suite après sa mort que j'ai travaillé à la carderie et le fleuve est entré dans ma poitrine et m'a empoisonné. Le fleuve ? Dit Marguerite. Oui, répondit Bessie, des petits brins aussi fins que de la poussière, qui s'envolent du coton que l'on est en train de carder et qui remplissent l'air de la chambre jusqu'à le faire devenir tout blanc. Ils disent que ça s'enroule autour des poumons et que c'est ça qui fait qu'on ne peut plus respirer. Mais d'une façon ou de l'autre, il y en a beaucoup de ceux qui travaillent à la garderie qui ne tardent pas à dépérir à force de tousser et de cracher le sang parce que le fleuve les empoisonne. « Mais on ne peut pas empêcher cela, » dit Marguerite. « Je ne sais pas. Il y a des maîtres qui ont comme un grand rouet au bout de leur carderie. Ça fait du vent et ça emporte la poussière. Mais voyez-vous, un rouet comme ça coûte gros, 500 ou 600 livres sterling peut-être, et ça ne rapporte rien. Il n'y a donc pas beaucoup de maîtres qui aient voulu en avoir. Après ça, les ouvriers, je leur ai entendu dire qu'ils n'aiment pas travailler dans les carderies où ces trous-là existent, parce que ça les affame de ne plus avaler le fleuve quand ils y sont habitués. Et qu'alors il faudrait les payer davantage. Ce qui fait qu'entre les maîtres qui ne s'en pressent guère et les ouvriers qui n'en veulent pas, la machine est, comme qui dirait, tombée à l'eau. J'aurais bien voulu tout de même qu'il y en ait une dans l'atelier où je travaillais. « Votre père sait-il tout cela ?» demanda Marguerite. « Oui, même qu'il en avait bien du chagrin. Mais notre fabrique était bonne, des gens bien sûrs, bien honnêtes. Mon père ne se souciait pas de me voir aller dans une autre maison, car malgré qu'aujourd'hui, vous ne puissiez peut-être pas le croire. Il y en avait dans ce temps-là plus d'un qui me disait « jolie fille ». Je n'aurais pas aimé qu'on pût dire que j'étais lâche. Et Marie qu'il fallait envoyer à l'école, ma mère qui l'avait tant recommandé, et mon père qui achetait toujours des livres, tout ça mangeait de l'argent. Il a donc fallu travailler jusqu'à ne pas pouvoir m'ôter des poumons le fleuve de la carderie et des oreilles le brouhaha des machines, tant que je resterai dans ce monde. Voilà tout. « Quel âge avez-vous ? » lui demanda Marguerite. « 19 ans au mois de juillet prochain. » « Comme moi, » dit Marguerite, plus attristée que Bessie du contraste qu'elles formaient l'une et l'autre. « Je voudrais bien vous demander quelque chose par rapport à Marie, » dit la pauvre malade. « Ce serait d'être bonne pour elle. La voilà qui a 17 ans. Je ne voudrais pas l'avoir travaillée aux fabriques. C'est la dernière de nous tous et pourtant, je ne sais pas quoi elle serait bonne. » « Si elle pouvait. » Marguerite jeta un coup d'œil sur le coin de la chambre qui n'avait pas été nettoyée. « Pourrait-elle faire l'ouvrage d'une maison ? » reprit-elle après avoir hésité quelques instants. « Nous avons une vieille bonne, fidèle et dévouée, presque une amie, qui a besoin d'une aide. Mais elle est très soigneuse, très difficile. Et il ne serait pas juste de lui donner une personne qui ne serait pour elle qu'un surcroît d'embarras et un sujet d'irritation. « Je comprends bien. » Notre mari est une bonne fille, mais qui aurait pu lui apprendre à faire l'ouvrage d'une maison ? Elle n'a pas de mère, et moi j'étais toujours dehors. Je ne rentrais que pour la gronder et lui dire qu'elle faisait mal, sans savoir faire mieux qu'elle. J'aurais bien voulu tout de même qu'elle allât servir chez vous. Il est impossible qu'elle soit une bonne servante, n'ayant jamais appris, mais c'est égal, nous essaierons. Je serai bonne pour elle, comme vous dites, Bessie, et pour l'amour de vous. Maintenant il faut que je parte. Je reviendrai vous voir aussitôt que je le pourrai. Mais quand je resterai 8 jours, 15 jours même sans revenir, ne croyez pas que je vous oublie, c'est que je serai trop occupé. Je sais bien que vous ne m'oublierez pas. Je n'ai plus de méfiance envers vous. Mais dans 15 jours peut-être que je serai morte et enterrée. Soyez sûr que je reviendrai le plus tôt possible, dit Marguerite en serrant la main de Bessie, et faites-moi avertir si vous alliez plus mal. Je n'y manquerai pas, dit la pauvre fille en rendant à Marguerite la poignée de main qu'elle lui avait donnée. À dater de cette époque, Mrs. Hale devint de plus en plus souffrante. On approchait de l'anniversaire du mariage d'Edith, et en jetant les yeux sur les ennuis et les chagrins qu'elle avait eus depuis 1 an, Marguerite s'étonnait d'avoir pu les supporter. Comme elle se serait effrayée de l'avenir, si on le lui avait dévoilé tout à coup 12 mois auparavant. Chaque jour néanmoins avait suffi à sa peine, et quelques instants d'une joie positive brillaient au milieu de la tristesse qu'ils avaient apportée. Si on lui avait dit l'année précédente, lorsqu'arrivant à Hailstone, elle avait été frappée du penchant que sa mère avait à se plaindre, si on lui avait dit que Mrs. Hale aurait à subir de longues souffrances dans une ville étrangère, sale et bruyante, au milieu des privations d'une existence plus que modeste, combien elle se serait inquiétée des tristes moments qui leur étaient réservés. Mais la patience était venue à Mrs. Hale en même temps que les douleurs sérieuses qui auraient pu motiver ses plaintes. Et la voyant si calme et si douce, elle qui autrefois tourmentait chacun de ses souffrances imaginaires, Mr. Hale en était arrivé à ce degré d'appréhension qui, chez les hommes de son caractère, prend le cachet d'un aveuglement opiniâtre. « Tu deviens folle, » disait-il à sa fille d'un ton irrité, chaque fois que Marguerite lui exprimait son inquiétude sur le compte de Mrs. Hale. « Dieu sait que je serais le premier à m'alarmer si ta mère était malade. Il a toujours été facile de voir quand elle a seulement une migraine. La moindre indisposition l'a toujours fait pâlir, et jamais je ne lui ai trouvé plus de couleur qu'à présent, pas même à l'époque où je l'ai vue pour la première fois. « C'est la douleur qui anime son teint, » répondait Marguerite. « Quelle sottise, ma pauvre enfant !» « Quand je te dis que tu deviens folle, c'est toi qui es malade. Envoie chercher le docteur. Et après que tu l'auras consulté pour toi-même, fais-lui voir ta mère, ça te calmera l'esprit. » Marguerite le remercia et voulut l'embrasser, mais il la repoussa avec douceur, comme si, en l'éloignant, il lui voulut chasser les idées pénibles qu'elle cherchait à lui suggérer. « Pauvre Maria, dit-il, pourquoi ne peut-on pas agir avec droiture sans sacrifier les autres ? Je détesterais cette ville. Je me haïrais moi-même si... Marguerite, dis-moi, mon enfant, ta mère te parle-t-elle souvent de Hailstone ? Non, papa. Tu ne t'aperçois pas qu'elle le regrette ? Une de mes consolations a toujours été d'avoir la confiance de ta mère jusque dans les plus petites choses. Elle ne me cache rien de ce qui affecterait sa santé d'une manière un peu sérieuse. N'est-ce pas, Marguerite ? Elle ne le voudrait pas, c'est impossible. Ne me parle donc plus de ces folles idées qui sortent de ton cerveau malade. Embrasse-moi et va vite te coucher. » Elle se déshabilla avec lenteur, mais il y avait longtemps qu'elle avait fini sa toilette du soir, longtemps qu'elle était dans son lit, qu'elle entendait encore son père marcher dans sa chambre et la parcourir d'un pas inquiet et inégal.